c'est un endroit. Une phrase prononcée malgré soi. Un vol d'oiseau au ras des pierres. Une soirée soudain sans lumière. On se rappelle et puis plus rien. Sitôt que la lumière revient. Ce sont les choses qu'on ne dit jamais. D'ailleurs personne ne nous croirait. Cette impression, le déjà vu, d'être déjà passé par là. Je suis sûr d'avoir entendu avant ce soir cette chanson-là. Était-ce en rêve, était-ce en vrai? Je sais d'avance que je savais. C'est un miroir qui nous renvoie l'image inversée d'autrefois. C'est une maman qu'on voit sourire entre le sommeil et dormir. En un éclair on se souvient, et puis ça passe et puis plus rien. Ce sont les choses qu'on ne dit jamais. D'ailleurs personne ne nous croirait. Cette impression, le déjà vu, d'être déjà passé par là. Je suis sûr d'avoir entendu avant ce soir cette chanson-là. Était-ce en rêve, était-ce en vrai? Je sais l'avant que je savais. Cette impression, le déjà vu, d'être déjà passé par là. Je suis sûr d'avoir entendu avant ce soir cette chanson-là. Était-ce en rêve, était-ce en vrai? Je sais d'avance que je savais.